Scène 5. Père Ubu, Mère Ubu, un messager. Monsieur, que voulez-vous? Fichez le camp, vous me fatiguez. Monsieur, vous êtes appelé de par le roi. Oh merde, cher Nicoton Bleu! De par ma chandelle verte, je suis découvert. Je vais être décapité, hélas, hélas! Quel homme mou! Et le temps presse. Ah, j'ai une idée. Je dirais que c'est la mère Ubu et Bordure. Ah, gros PU, si tu fais ça... Mais j'y vais de ce pas. Il sort. Oh, Père Ubu! Père Ubu! Je te donnerai de l'andouille. Elle sort. Ah, ouais, oh, merde! T'en es une fière d'andouille!